Caron, City Boy, Motherfucker. J'risque de mourir jeune, autant être vite blindé. Dernier classe A, vite teinté. À ce qui paraît que c'est la crise, m'en bats les couilles moi. J'représente mes couleurs comme un crips. J'veux les billets qui me reviennent. Mes ennemis, rien à foutre de ce qu'ils deviennent. Ok c'est vrai, je suis ancien, mais eux ce sont tous des fils de chienne. Telle est la question, n'est-ce pas? Secret en main, prolique dans un Vespa. J'rêve leur corps dans un coffre en Espagne. L'achat au monde entier sur la lune, j'ai fait escale. La vie est vicieuse comme une femme, tranchante comme une lame. À quoi sert de te retenir si tu n'es pas une larme? J'ai pas peur de m'éteindre comme une flamme. Dis-leur que je baisse leur rap d'asthmatique, que je fais mon bif en secrète comme un asiatique. À quoi bon ça ramsi que je leur raconte que quand je me sens seul, je parle à mon fusil à pompe. Dur de se dire qu'à la naissance j'étais là, loin de rêver de faire carrière comme dans GTA. Tu veux des rimes en A, dalle comme un piranha. Je rêve de faire du quad sur le fond de Rihanna. Rue des bandits, chez nous le Père Noël arrive avec 15 kilos de crack venu des Antilles. Sont les méchants, sont les gentils. Qui la question c'est qui sont les Louis, qui sont les Bambi. Bref, voili, voilou, garde ta vie de studio, on garde nos vies de voyous. La vie de ma mère qui nique leur mère. Soit t'es tout, soit t'es rien, je vais te fumer sur un R. Bref, comprendra qui pourra. Tout se nomme et tout se trame. Faudrait les enterrer à l'arrière d'un touran. Les silences d'or, je te souhaite une longue vie pourrave. Enfin bref, c'est tous des biceps. Bim bim bam boum, coup de chasse dans le biceps. Je me fais rare comme mes concerts. Ils ont pas compris et pas trop comme des concierges. Pour finir, ne me disculpez pas. Va tôt, tu veux la guerre, je ne discuterai pas. L'important c'est pas la chute, fils de pute. C'est l'illusion d'avoir que tu ne chuterais pas.